Il me suffit de ton visage pour apprendre ton paysage. Il me suffit de ton image pour rêver ton rivage. Il me suffit d'une seule page pour prendre le premier virage. Il me suffit d'une cage pour y enfermer mon mirage. Il me suffit d'un orage pour échouer sur une plage. Il me suffit de ton visage pour apprendre